إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 9 dans l'explication du livre آداب الماشي إلى الصلاة Et c'est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah ta'ala. On est arrivé à l'explication maintenant dans le livre où, après avoir expliqué maintenant la sourate al-Fatiha et les règles, c'est-à-dire toute la signification et les règles de le fait de dire « Amin ». Donc maintenant on passe à qu'est-ce qui suit. Et le cheikh il dit wa qawluhu wa yalzamu al-jahil ta'allumaha fa in lam yaf'al ma'a al-qudra lam tasihhu salatuhu wa man la yuhsin shay'an minha wa la min ghayriha min al-qur'ani lazimahu an yaqul subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam in kana ma'aka qur'an faqra wa illa فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع رواه ابو داود والترمذي. Donc dans cette partie le cheikh il explique à propos de la personne qui est ignorant, c'est-à-dire qu'elle connaît pas même la Fatiha. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle connaît pas la Fatiha, elle doit l'apprendre. Premièrement, ça c'est son obligation, c'est de la mémoriser. Deuxièmement, si elle n'a pas si elle ne l'a pas appris, alors que elle avait la capacité de le faire, sa prière ne sera pas valable. Cheikh dit, si elle ne l'a pas appris, alors qu'elle avait la capacité, si elle n'a pas récité, alors qu'elle n'a pas, elle a la capacité de le faire, mais elle l'a pas fait, sa prière sera pas valable. Celui qui n'est pas capable de réciter rien de la Fatiha, ni d'autres choses du Coran, il est dans ce cas-là obligé de dire à la place Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et ça c'est basé sur le hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu as du Coran avec toi, récite-le. Sinon, alors glorifie Allah, dit Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ensuite, fais le recours, fais l'inclinaison. Il dit, wa yalzamul jahil, Cheikh Abdul Muhsin, il commente ça, il dit, yalzamul jahil ta'allum al-fatiha, li'annaha ruknun min arkan as-salah. Fa'in salla wa huwa qadirun ala ta'allumiha, lam tasihhu salatuhu, li'annahu taraka ruknan, Donc, comme on a dit, celui qui est ignorant, il doit apprendre, parce que c'est un pilier de la salat. La prière, c'est un pilier de la salat. Si tu la récites pas, ta prière sera pas valable. Il dit, si tu as prié et que tu étais capable de réciter la Fatiha et de l'apprendre, mais que tu ne l'as pas fait, dans ce cas-là, ta salat ne sera pas valable. C'est parce que tu as abandonné un pilier avec la capacité de le faire. Et il dit, celui qui n'est pas capable, et qui n'est pas capable de réciter même autre chose du Coran, alors il dit, hein, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, comme on a mentionné, hein, wa man lam yuhsinha wa la ghayriha ma' al-Qur'an min al-Qur'an ya'ti bit-tahmid wat-tahlil wat-takbir. Wa al-hadith dhakarahu al-Shaykh an Rifa'a ibn Rafi' radiyallahu anhu akhrajahu Abu Dawud wat-Tirmidhi wa qala at-Tirmidhi hadith hasan wa lahu shawahid an Abdullah ibn Abi Awfa رضي الله عنه رواه أبو داود وغيره انظر إرواء الغليل. Donc il rapporte le même hadith qu'on a mentionné, qui est rapporté par selon Rifa'a ibn Rafi' par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et At-Tirmidhi a dit c'est un hadith hassan, et il a d'autres supports dans d'autres narrations, comme celle de Abdullah ibn Abi Awfa, qui est rapporté par Abu Daoud et d'autres. Après, il dit, وقوله ثم قرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. Donc le cheikh il dit que ensuite il récite le basmala après avoir fini la Fatiha, puis après qu'on ait dit Amin, il dit encore Bismillah Rahman Rahim, mais à voix basse, et il récite une autre surah au complet, hein, et il dit que s'il ne récite pas une surah au complet, c'est permis de réciter un verset, une ayah. Excepté que l'imam Ahmed, il recommande que ce soit un verset qui est long, assez long. Et le plus long verset dans le Coran, vous savez c'est quel, hein? Oui. De la dette, hein? Ayatul Dayn, on l'appelle. Ayatul Dayn, c'est-à-dire le verset de la dette. Donc ça, c'est le plus long. Et donc on lit un verset quelconque. Si on veut, on peut lire une seule ayah. Et il dit donc, si c'est à l'extérieur de la salat que tu récites le Coran, dans ce cas-là, tu peux dire le basmala à voix haute. Hein? Et si tu veux, tu peux le dire à voix basse aussi. C'est-à-dire quand tu veux réciter le Coran en dehors de la prière. D'accord? Donc, Cheikh Abdul Muhsin, il commente sur ce point-là et il dit... تقدم حديث أنس رضي الله عنه في الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية قبل قراءة الفاتحة ومثله الإسرار بالبسملة قبل قراءة السورة. Donc il dit, comme on a expliqué déjà au sujet du hadith de Anas رضي الله عنه, au sujet du fait de réciter le basmala à voix basse, qui est rapporté selon Anas de réciter le basmala à voix basse dans la prière qui est à haute voix. D'accord? Ça c'est avant de réciter la Fatiha. Et on avait mentionné ce hadith là déjà. Et la même chose pour qu'est-ce qu'on récite après la Fatiha? On récite le basmala à voix basse aussi avant de commencer. Si on récite, il dit wa amma qira'atu al-Qur'an. Amma qira'atu al-Qur'an fi ghayr as-salah falahu an yajhar bil basmala wa lahu an yusir. Donc si c'est en dehors de la salat, tu as le choix. Tu peux réciter à voix haute le basmala ou tu peux réciter à voix basse, un ou l'autre. ثانيا ويستحب بعد قراءة الفاتحة قراءة ما تيسر من القرآن سورة أو بعضها فإذا قرأ آية يستحب أن تكون طويلة وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلوات الخمس. Donc le cheikh il dit qu'il est recommandé après avoir récité la Fatiha de réciter ce qui est facile pour toi du Coran, soit une sourate ou une partie d'une sourate, ou même de réciter une ayah, un verset, et il est recommandé que si tu récites un verset, que ce soit un verset qui est un peu plus long. Et, yani, il a été rapporté dans de nombreux hadiths, le fait de réciter quelque chose du Coran après la Fatiha dans les 5 prières quotidiennes. Hein? Et on a dit que le plus long verset, c'était Ayatul Dain. Le plus court, est-ce que vous savez c'est quoi? Mudhammatan. Mudhammatan. Aynam. Donc, j'avais une fois... Oui, Surat al-Rahman. Il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit qu'il y a des gens qui faisaient... je ne sais pas si c'était le Tarawih ou quoi. Et quand il récitait Al-Fatiha, puis après, il disait Mudhammatan, puis il disait Allahu Akbar. Et puis, ils ont fait comme 21 rak'a comme ça en quelques minutes. Allah al-Musta'an. Donc, c'est pour dire... Après, le cheikh il dit وَقَوْلُهُ وَتَكُونُ السُّورَةُ فِي الْفَجْرِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَأَوَّلُهُ قَفْ لِقَوْلِ أَوْسْ سَأَلْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَيْفَ يُجَزُّونَ الْقُرْآنَ أو يُجَزِّبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا ثَلَاثًا وَخَمْسًا وَسَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى يُجَزِّئُونَ الْقُرْآنَ أو يُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ نعم سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل واحد ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما ويقرأ في المغرب من قصاره وقرأ فيها بعض الأحيان من طواله لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف ويقرأ في البواقي من أوساطه وإن لم يكن له عذر وإلا قرأ بأقصر منه. Donc le cheikh il dit, parmi les... Là, il explique maintenant qu'est-ce qu'on récite comme sourah après la Fatiha. Et dans les différentes prières, c'est quoi la longueur des sourahs qu'on récite, c'est-à-dire dans chaque prière, par rapport à la longueur. Et donc, il dit que si c'est... la sourah que tu récites dans la prière de Fajr, c'est parmi les sourates on appelle al-mufassal, mais qui sont plus longues. Il y a trois sortes de mufassal. Al-mufassal, c'est quoi? C'est les versets qui sont courts, qui sont à la fin du Coran. Et il y a trois catégories de mufassal. Il y a les longues, qui sont de yani qaf jusqu'à, si je me rappelle, c'est... En tout cas, je suis pas sûr jusqu'où ça va, mais je pense que yani, laissez-moi voir. OK. Donc de qaf, on a dit. OK. Et je crois que c'est jusqu'à yani al-hadid ou al-mujadala, je suis pas sûr. Ou même plus peut-être, jusqu'à Tahrim. Après, il y a les moyennes de Al-Mulk jusqu'à Amma. Et après, les courtes de Nazi'at jusqu'à... Ou même, il y en a qui divisent en deux, c'est le dernier Juz. Hein, et qui considèrent que les plus courtes, c'est celles qui sont de la moitié du Juz jusqu'à la fin. Donc, je me rappelle plus exactement où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit pour la longueur, mais c'est à peu près ce que j'ai dit maintenant. Donc, les longues, c'est, comme il dit le cheikh, ça commence par qaf. Okay? Et c'est basé sur la parole de Aws, qui disait, j'ai demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment vous séparez le Coran? C'est quoi les parties du Coran? Il a dit, c'est 3 ou 5 ou 7 ou 9 ou 11 ou 13. Et le Hizb al-Mufassal, c'est 1. Donc, il dit, c'est détestable de réciter des courtes sourates dans le Fajr, excepté si on a une excuse, comme par exemple le voyage ou la maladie ou des choses semblables. Il dit que dans la prière de Maghrib, tu récites des courtes du Mufassal. Hein? Et parfois, ça arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité des longues pour le Maghrib aussi. Et il dit, pour, comme par exemple, une fois, il a récité l'A'raf. L'A'raf, c'est plus que, il y en a presque 200 versets. Hein? C'est long. Et il récitait également des autres sourates dans le Coran, parmi les celles qui sont moyennes, s'il n'avait pas d'excuses. Sinon, il récitait ce qui est plus court. On va lire l'explication maintenant de Cheikh Abdul Mohsin de cette partie. المراد بتحزيب تحزيب الصحابة القرآن جعلهم إياه أحزابا ليقرأ في كل يوم حزب وأثر أوس ابن أبي أوس الذي ذكره المصنف دل على جعله سبعة أجزاء يختم القرآن فيها كل أسبوع والحزب السابع حزب المفصل وهو يبدأ بسورة بسورة قاف على الصحيح والقول الثاني أنه يبدأ بالحجرات ومشأ الاختلاف بين القولين هل تعد الفاتحة في في في الثلاث في الثلاث الأولى أو أنها لا تعد فتكون الثلاث البقرة وآل عمران والنساء فمن جعل أول الثلاث البقرة جعل قاف أول حزب المفصل ومن جعل الفاتحة أول الثلاث جعل الحجرات أول المفصل. Donc il dit qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de faire quand les sahaba disaient qu'ils divisaient le Coran en différentes parties, c'est-à-dire ils désignaient une différente partie pour réciter chaque jour. Il récitait un hizb, une partie, chaque jour. Et selon la narration de Aus ibn Abi Aus, qu'est-ce qu'il a mentionné à ce sujet-là indique qu'il le séparait en sept parties. Et qu'à la fin, il récitait donc, le Coran au complet pendant une semaine. Donc il séparait le Coran pour le réciter au complet pendant une semaine. Et le septième hizb, la septième partie, il faisait que ce soit al-mufassal. Et c'est comme on a dit, c'est qu'est-ce qui commence par surat qaf, selon qu'est-ce qui est authentique. Et il dit, sinon il y a une autre position qui dit que tu peux commencer par al-hujurat, la surat qui est juste avant qaf. Mais la raison de la divergence, il dit que c'est parce que certains ils calculaient Al-Fatiha parmi les premières, comme étant la première, et d'autres qui ne la calculaient pas. Donc, ceux qui calculaient en disant Baqara ala Imran al-Nisa, donc eux ils considéraient qu'ils commençaient par Qaf, le premier verset de la partie des Mufassal. Et ceux qui calculaient la Fatiha parmi les premières, eh bien, ils commençaient par Al-Hujurat comme étant la première des Mufassal. Il dit wa atharu Aws ibn Abi Aws akhrajahu Abu Dawud wa fi isnadihi Uthman ibn Abd al-Rahman ibn Aws wa fihi da'if wa fihi da'f. Sauf que la narration de Aws ibn Abi Aws qui est rapportée par Abu Dawud, dans sa chaîne de transmission il y a Uthman ibn Abd al-Rahman ibn Aws et il est da'if, il est faible. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يقرأ فيه ما يقرأ به في الصلوات الخمس بعد الفاتحة من المفصل وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف جاءت في صحيح البخاري وقد أورد البخاري في صحيحه كتابا في كتاب الأذان أبوابا فيها أو فيما يقرأ به بعد الفاتحة في الصلوات الخمس، تبدأ من باب 96 وتنتهي بالباب 110، وهذه الأبواب مشتملة على أحاديث وآثار. وأول حديث في هذه الأبواب حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وآخر حديث فيها حديث أبي قتادة رضي الله عنه. Donc, en ce qui concerne qu'est-ce qu'on récite dans la prière ou dans les cinq prières après la Fatiha, parmi les versets des sourates al-mufassal, les courtes sourates à la fin, c'est يعني, et la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière de Maghrib, le fait qu'il a récité à l'Araf, tout ça, ça a été rapporté dans Sahih al-Bukhari. Et même que l'imam al-Bukhari dans son Sahih, il a même un chapitre sur ça. Et le chapitre, ça c'est dans Kitab al-Adhan, le chapitre au sujet de l'appel à la prière. Et il y a dedans des différents sous-chapitres qui expliquent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce qui était récité après la Fatiha dans les cinq prières. Ça commence du sous-chapitre numéro 96 jusqu'au numéro 110. Et ces sous-chapitres comprennent des hadiths et comprennent également des narrations. Et la première de ces sous-chapitres est le hadith commence par le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est le hadith 758. Et le dernier, le hadith de Abi Qatada radiyallahu anhu, qui est le hadith 779. Ensuite, le Cheikh dit wa qawluhu wa la ba'sa bi jahri imra'atin fil jahriyati idha lam yasma'aha ajnabiyyun. Il dit le Cheikh que il n'y a pas de mal qu'une femme récite à voix haute à condition qu'elle ne soit pas entendue par un homme étranger. Il dit للمرأة شيخ عبد المحسن يكسبليك يقول للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، ولما يخشى في ذلك من الفتنة للرجال الأجانب منها. الشيخ يقول que la femme elle peut réciter à voix haute dans les prières qu'on récite à voix haute à condition que il n'y a pas un homme étranger qui l'entende à cause de la tentation qui peut en découler. Si des hommes l'écoutent ou l'entendent, surtout si c'est par exemple une femme qui a une belle voix et des choses comme ça, dans ce cas-là, on craint que ça pourrait être une source de tentation. Et ça, c'est le Cheikh dit ويدل لذلك أنها إذا حضرت الجماعة وانتناب الإمام شيء أنها تصفق ولا تسبح وانتاب الإمام شيء أنها تصفق ولا تسبح. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. Donc le Cheikh il a dit ça c'est basé sur il y a une preuve de ça dans la sunna, c'est basé sur le fait que lorsque l'imam dans la prière il se trompe ou il a peut-être douté de quelque chose, est-ce qu'il a fait ou pas fait, dans ce cas-là on le corrige. Si c'est la femme, elle va taper des mains, si c'est l'homme, il va dire subhanallah, ok. Et c'est basé ça sur le hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce que j'ai à vous entendre beaucoup taper des mains, vous tapez beaucoup des mains, pourquoi Il dit, si l'un d'entre vous, il a un doute à propos de la salat, qu'il dise Subhanallah. Parce que lorsqu'il dira Subhanallah, on va porter attention. Tandis que le fait de clapper des mains ou taper des mains, ça c'est pour les femmes. وقوله والمتنفل في الليل يراعي المصلحة فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر وإن كان ممن يستمع له جهر. Donc il dit ici que si la personne elle fait des prières surérogatoires pendant la nuit, elle doit tenir compte de qu'est-ce qui est le plus profitable ou le plus bénéfique. C'est-à-dire que si près de la personne, il y a quelqu'un qui va être ennuyé ou, disons, gêné par la récitation, parce que c'est la nuit, donc il va peut-être déranger quelqu'un. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux qu'il récite à voix basse. Et, إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُسْتَمَعْ لَهُ جَهَرًا. Donc, s'il y a quelqu'un qui l'écoute, il peut réciter à voix haute. Et le cheikh, c'est ça, il explique, il dit, المتنفل في الليل يجهر في صلاته إذا لم يؤذى بجهره أحدا كنائم أو قارئ للقرآن ونحوهما وإذا لم يؤذي أحدا أو علم أنه يستمع لقراءته جهرا. Donc, c'est ce qu'il dit, le cheikh, il répète. Si tu déranges quelqu'un dans ta prière la nuit, par exemple quelqu'un qui dort ou quelqu'un qui récite le Coran, dans ce cas-là tu récites à voix basse. Et si il y a personne qui est dérangé ou si tu sais qu'il y a quelqu'un qui écoute ta récitation, dans ce cas-là tu peux réciter à voix haute, il n'y a pas de problème. Puis le dernier point qu'on va lire aujourd'hui, c'est le point dans lequel le cheikh il dit قوله وإن أصر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته. C'est-à-dire, si par exemple, c'est la prière que tu dois réciter à voix basse ou à voix haute et que tu récites à voix basse. Comme par exemple, c'est le Maghreb, puis au lieu de réciter à voix haute, tu commences à réciter à voix basse. Ou le contraire. C'est la prière de Asr, puis tu commences à prier à voix haute. Hein? Donc, il dit bana ala qira'atihi, c'est-à-dire tu continues ta récitation une fois que tu as commencé, tu continues ta récitation à voix haute. Si c'était la prière à voix haute, tu continues à voix haute sans recommencer au début. Et si c'était par exemple une prière le contraire à voix basse, puis toi tu récitais à voix haute, tu continues à voix basse sans recommencer au début. Et c'est ça ce que le cheikh il explique. Il dit إذا سهى الإمام في صلاة جهرية فأصر بقراءة الفاتحة كلها أو بعدها فنبه أو تنبه على قراءته ولا يستأنف بنى على قراءته ولا يستأنف ذلك الذي أصر فيه لأن الجهر ليس بواجب. وكذلك لو جهر في صلاة سرية كالظهر والعصر ثم نبه أو تنبه فإنه يتابع القراءة بعد ذلك سرا. Donc c'est comme j'ai dit, la seule détail que le cheikh il a rajouté, c'est que par exemple si tu as oublié, quand tu oublies que c'est par exemple une prière à voix haute, tu récites la Fatiha à voix basse, ou bien une partie de la Fatiha, ou une partie, donc c'est-à-dire toute la Fatiha ou une partie de la Fatiha, et que quelqu'un te dit Subhanallah, hein? Donc là tu réalises, ah c'est la prière à voix haute, alors là tu continues la récitation sans recommencer ce que tu as récité à voix basse auparavant. Tu fais juste continuer. Et la raison pour ça, comme le cheikh il explique, c'est que le fait de réciter à voix haute, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui est recommandé. Donc si tu le fais pas, ta prière va être quand même valable. D'accord? On n'a pas besoin de faire deux sujouds pour corriger ça. Hein? Barakallahu fikoum.